Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones du 19 janvier 2015. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures et on aura deux heures en fait de rock progressif avec des nouveautés, entre autres le nouveau Unreal City et le nouveau Archive. On aura aussi des psychédéliques ensemble des États-Unis. Ça sera suivi de Millennium de Pologne. Je le mentionnais plutôt, Unreal City et Archive. On aura aussi Eccentric Orbit des États-Unis, Eliphaz du Québec et Emerson, Lake & Palmer d'Angleterre. Alors, on débute l'émission avec un groupe américain du nom de Psychédélique Ensemble. Ils ont quatre albums à leur actif et celui qu'on va entendre, c'est le premier qui est paru. En fait, non, le deuxième qui est paru en 2010, The Myth of Dying. Alors, on va entendre quatre pièces extraites de cet album-là. La première, c'est Canto 4, Beyond the Light. Canto 7, The Realm of the Skeptics. Canto 8, The Mysterium of the Divine. And Canto 9, The Throat of Eternity. Voici The Psychedelic Ensemble. Thank you. lost here, still uncertain of our end. Contemplate all possibilities, our positions we defend. Thank you. Now I finally see the truth, then I know why I am where I am. All that I believed in life determined why I am where I am. What your mind believes, the soul will follow. I thought therefore I am. All that I believed in life determined why I am where I am. I see the truth. I see the truth. The truth, just where I imagine that would be. story how I traveled forth and back through all eternity. If I told you where I've been and I told you what I've seen, the places and things that fill the heavens, a million miles I've traveled through a universe unraveled to find the truth about eternity. C'était de Psychedelic Ensemble avec quatre pièces extraites du deuxième album du groupe The Myth of Dying qui est paru en 2010. Après la pause, un nouveau Millennium et un nouveau Unreal City. Fou de changement. C'est fou. 89.1. Alors, sur les ondes de C'est fou FM 89.1 à Trois-Rivières, vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones pour du rock progressif. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley. Et je mentionne aussi la collaboration de Denis Marchand et Yves Farley. On débute le deuxième bloc avec un nouvel album du groupe polonais Millennium. Millennium qui en est rendu à son 10e album studio. Et celui qui vient de sortir s'intitule « In Search of the Perfect Melody ». Et on va entendre la pièce titre de l'album. Et si je me rappelle bien, vers la fin, on entendra un peu un extrait en polonais. Alors voici Millennium. I try to write this song. Inspiration disappears. I tell the paper all in vain, but it's only funny rhymes. I try again to find the phrase. I rub my weary eyes. Take me to the writer's paradise. I try and try, the days go by, and nothing's good enough. Maybe I should throw the dice and get the words by chance. The time goes by, the clock ticks 12. You're laughing at my pain. Take me to the writer's paradise. Only time, a crazy silence. Only fear in an empty room. Thousands of sounds, but nothing precious. Turning round and round and round, screaming for you. Falling angels and delusions. It's so cruel. What's next? Give me the perfect melody. have nothing here. See my empty hands, but I hope you can help. This feeling never dies. What I am to write, I don't know tonight. Give me all my love, heal the silence and despair, and lead my hand so far. You're so divine. Disappear. I still believe I'll find this perfect line. Oh Lord, tell me, just give me one more note, just a hint, just a sound, and I feel so complacent. Thank you. feel my heart, and I still have this obsession. Me and her will never part. I know it's real, I see it clear. Let this feeling cross my mind with a bang bang, bang sound. I will shoot the stars this time. I know it's my confession. All I want is my career. I know it's my direction to be finally ideal. I will never stop, I will never give up to pursue what I'm to find. With a shoot, shoot sound, I will kill the beast inside. Bang, bang, shoot, shoot, I'm killing you. Perfektion ist so gemein, das war nur ein Traum, es ist so weit. Suave, total commit. Mirage, i więcej nic. Melodia nie istnieje oprócz snów. Jestem całkiem sam, odchodzę już. Vous venez d'entendre Millennium, le groupe polonais, avec la pièce-titre de l'album In Search of the Perfect Melody. Ça, c'est paru cet automne. On enchaîne avec un nouvel album d'un groupe italien qui, est rendu à son deuxième album. Il est très attendu parce que c'est des Italiens qu'on a vus à la convention Terra Incognita en mai dernier. Et ils avaient fait une performance assez remarquée. Et on attendait avec impatience l'album. Il est sorti vendredi, alors je me suis précipité sur Internet et j'ai réussi à acheter l'album en ligne. Et On Real City, je le rappelle, c'est un jeune groupe italien. À peine dans le début de la vingtaine, les membres sont assez jeunes et ils ont été très impressionnés lors de leur visite ici à Québec. Alors, sans plus tarder, on va entendre la pièce Oniron Mandia et c'est tiré de l'album Il Paese del Tramonto. Alors, Unreal City. Senza fine. Nel mio sogno illuminato, d'improvviso si dischiuse la coscienza dell'eterno. Vidi l'uomo e le stagioni, i suoi giorni. Don't Alors, c'était le tout nouveau Unreal City avec la pièce Oniromanzia. C'est tiré de l'album Il Paese del Tramonto qui est paru jeudi. Alors, après la pause, un nouveau archive et le plus récent Excentric Orbit. Fou de merveilleux. 89.1. Alors, nous voilà rendus au troisième bloc de l'émission. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à partir du campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Vous pouvez aussi nous écouter sur Internet à cfou.ca et à partir de l'application Apple C'est Fou Live. Et aussi en rediffusion, à partir de demain, pour une semaine, vous pouvez entendre l'émission sur SoundCloud. OK. Alors, on enchaîne avec le nouvel album de Archive qui est paru il y a quelques jours. En fait, il y a une semaine ou deux. Et l'album s'intitule Restriction. C'est le 11e album studio du groupe. Et on va entendre trois extraits. La première étant Third Quarter Storm, Half Built Houses et Riding in Squares. Alors, voici Archive. Me. Medium strength, people go home quietly. They leave. There's nothing to see. Nothing for you. School. knows we've paid, 'cause Christ knows we've

Alors, c'était Archive, le tout récent album Restriction avec la pièce Riding in Squares. Ça a été précédé de Half Built Houses et de Third Quarter Storm. On va enchaîner avec un groupe américain qui vient de. En fait, ont paru leur deuxième album en 2014. Il s'agit de Eccentric Orbic. On les avait entendus avec l'album Attack of the Martians qui était paru en 2004. On en avait fait jouer. Et puis, 10 ans plus tard, ils reviennent avec Creation of the Humanoids. Alors, on va entendre dans la pièce titre de l'album. Alors, voici Eccentric Orbic. Thank you. Alors, c'était Eccentric Orbit avec la pièce titre de l'album Creation of the Humanoids. C'est paru en 2014, l'an passé. Après la pause, Eliphaz, le groupe québécois, et Emerson, Lake & Palmer. Salut, c'est Danny Placard. Vous êtes sur les ondes de C'est fou. Oui, oui, c'est fou. Alors, nous sommes déjà rendus au dernier bloc de l'émission. On va débuter ça avec un groupe québécois qui ont fait paraître un album en 2012. Il s'agit du groupe Eliphaz. Et ça, ça tourne autour des deux principaux acteurs, François Vachon et Jacinthe Poulin. Et on va entendre la pièce tirée de l'album Le Royaume des Poussières. La pièce ça s'intitule Les lieux de mémoire. Alors voici le groupe québécois Eliphaz. Thank you. Alors, c'était le groupe québécois Eliphaz avec la pièce « Les lieux de mémoire » et cet extrait de l'album, le seul du groupe, qui est paru en 2012, « Le royaume des poussières ». Alors, pour conclure l'émission, nous allons faire un petit retour en arrière de 43 ans pour le très prolifique groupe Emerson, Lake & Palmer. On leur connaît 10 albums studio, 25 albums live, dont le dernier à Montréal en 2013. On peut les voir aussi sur 12 DVD officiels. Il y a 17 compilations qui regroupent les œuvres du groupe. Alors nous, on va retourner vers en fait le deuxième album du groupe, en fait le troisième, qui s'appelle Trilogie, qui est paru en 1972. Et extrait de cet album-là, on va entendre « From the Beginning ». Et tout de suite après, pour conclure l'émission, ça va être Fanfare for the Common Man. Ça, c'est extrait de Brain Salad Surgery. Alors voici Emerson, Lake & Palmer. Alors, c'était Emerson, Lake & Palmer avec Fanfare for the Common Man. Ça, c'est tiré de Brain Salad Surgery, qui est paru en 1973. Et ça a été précédé par From the Beginning. C'est de l'album Trilogy, qui, lui, est paru en 1972. Alors, ceci met fin à l'émission. Et je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine, car nous aurons un extrait du nouveau Magma. Alors, bonne semaine!